Caramel. Vous avez vu ce qui s'est passé hier en marge d'un déplacement de Jupiter dans la ville de Ganges, dans l'Hérault. En plus d'isoler les manifestants venus lui dire tout le bien qu'il pensait de sa loi sur la retraite, la préfecture de l'Hérault a aussi tenté de couper le son en publiant un arrêté stipulant que du 19 avril 20h au 20 avril 18h, outre la création d'un périmètre délimité dont la circulation serait réglementée et contrôlée, il était également interdit l'usage de dispositifs, écoutez bien, de dispositifs sonores portatifs ou émanant de véhicules non dûment autorisés. C'est comme ça que l'administration a écrit cette interdiction. Tout ça donc pour dire que les casseroles, poêles et autres éléments des batteries de cuisine étaient priés de rester sur les fourneaux et que seule la police, les pompiers et les ambulances pourraient jouer du klaxon, du sifflet ou de la sirène. Molière n'avait pas pensé à introduire cette formulation alambiquée dans ses précieuses ridicules. On lui suggère la proposition. Reste 95 jours à Jupiter pour apaiser tout ça. Et à mon avis, c'est pas gagné. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 34, réalisé ce soir par Valentin Jiquel, Thomas Delafosse et François Berchenko. Beaucoup de monde pour la réalisation, puisque ce soir, c'est en direct de la music box du Métronome, que se déroule ce 993e numéro de Caramel Mou à l'occasion de l'édition 2023 du Disque RD, rendez-vous annuel qualifié, lit-on dans les gazettes, de journée internationale des disques et des vinyles. À Toulouse, ces festivités commencent ce soir et vont se continuer toute la journée de demain chez tous les disquaires toulousains. Ancien disquaire lui-même, ex-directeur artistique du Métronome et du Festival Rio Loco, mais aussi parrain de cette édition du Disque RD, Hervé Bordier nous parlera dans un instant de cette manifestation dédiée à ce résidu de pétrole. Et puis, J.D. Beauvallet, ancien rédacteur en chef de la partie musicale des Inrecuptibles, un de ceux qui a créé ce titre au milieu des années 80, mais aussi invité très spécial de ce Disque RD 2023, est également avec nous ce soir. Avec lui, nous évoquerons quelques vinyles qui ont jalonné une recherche de musique toujours en cours. Cette quête, cette recherche sans fin qu'il raconte dans deux livres. L'un, Les années New Wave, est sorti à la fin de l'année dernière chez JM Éditions. L'autre, intitulé Passeur, vient d'être réédité en format de poche et en version augmentée aux éditions Braquage. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Et comme régulièrement dans cette émission, cette nouveauté est toulousaine. Édredon sensible. Quatre garçons bien dans l'époque. Deux frappent sur des tambours, les deux autres soufflent dans des saxos. L'ensemble joue à fond les balais, une transe délirante, hypnotique et hurlante, avec un engagement et une rectitude jamais prise en défaut. Musique éruptive et libertaire que l'on retrouve dans un deuxième album, Montagne Explosion, qui vient de sortir et qui est assez détonnant. Édredon Sensible, qui seront entre parenthèses vendredi et samedi prochain, 28 et 29 avril, en concert au Taquin, et qui ce week-end se produiront vers Vendine, dans le Tarn, lors du rassemblement des anti-A69, cette autoroute qui commence à se construire et dont les habitants ne veulent pas. Édredon Sensible, Denkeschön Paul, 2 minutes 12 en apnée totale. C'est Caramel Mou en direct du Métronome et c'est tant mieux. La déteste ça. Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangoo ou pardon? Oui, toujours Caramel Mou, en direct ce soir du métronome. D'ailleurs, ça serait peut-être bien que le public réagisse un tout petit peu, histoire de dire... histoire de vérifier qu'effectivement nous sommes bien en direct de la Music Box du Métronome à l'occasion donc de cette édition 2023 du Disque RD. Et avec moi ce soir, JD Beauvallet, va falloir que je m'y fasse, JD Beauvallet, donc ex-rédacteur en chef aux Inrecuptibles, mais aussi Hervé Bourdier, qui connaît bien cet endroit pour y avoir travaillé pendant quelques années et qui est cette année le parrain de ce Disque RD 2023. Avant d'entamer la discussion avec JD Beauvallet, peut-être expliquer un peu aux auditeurs de Campus derrière le poste, qu'est-ce que c'est cette manifestation? Alors d'abord, je voudrais remercier Campus et Caramel Moon de faire cette émission en direct. Il a fallu le convaincre parce qu'il est plutôt réservé, Jean-Philippe, dans les genres d'émissions, et puis le métronome. Mais surtout, Nathalie du Disque RD, qui est en charge du Disque RD pour Toulouse, m'a demandé, avec les disquaires, d'être parrain de cette édition. Il faut savoir que Toulouse, c'est une ville qui a énormément de disquaires. C'est une des villes, après Paris, qui a le plus de disquaires indépendants. On va dire que c'est aussi un grand les honneur. Étudiants qui en sont la raison. Pardon ? On va dire aussi que c'est peut-être le nombre d'étudiants à Toulouse qui en est la raison de cette... Oui, et puis une culture musicale, parce qu'on parle aussi des radios associatives comme Campus, comme Éphémère, je ne citerai pas toutes les radios, mais je crois que c'est un univers comme ça musical qui existe depuis ces années 80 et qui perdure. Et donc le Disque RD, c'est un événement effectivement qui est important aujourd'hui. L'histoire, rapidement, c'est né en 2008, d'abord aux États-Unis. Puisque ça s'appelait le Record Store Day. Et l'année d'après, donc le Calife, qui est un regroupement de beaucoup de disquaires en France, a décidé de faire cette édition, dont on l'appelait Disque RD, plutôt que magasin de disques. La journée des magasins de disques, c'était Disque RD. Voilà. Et donc ça existe depuis 2009. Il se trouve qu'à cette époque-là, en tout cas, c'était très complexe, parce que c'était la fin du vinyle, presque, on disait ça. Il y avait aussi le téléchargement qui arrivait, surtout avec Napster sur le téléchargement illégal. Et le vinyle périclitait. Et donc les maisons de disques, l'industrie discographique, en tout cas, s'y intéressait peu, à part les labels indépendants. Et puis, les années ont fait que le Disque RD est revenu. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire du vinyle, dans son histoire et dans son historique, mais aujourd'hui, c'est une perle importante de la musique, et voire même de l'industrie discographique, puisque le disque vinyle, au niveau mondial, a remplacé le CD en termes de chiffre d'affaires et de sortie d'albums. Et puis voilà, et le Disque RD, c'est un événement particulier, une fois dans l'année, avec énormément de sorties d'albums. C'est à peu près 200 albums qui vont sortir là, avec beaucoup d'inédits, des rééditions, des roughs, des maquettes, des colorés vinyles, des 25 cm. Tout ça se retrouve dans les magasins de disques, donc c'est très couru pour les collectors. Et dès demain matin, il y a six disquaires à Toulouse qui organisent cette manifestation. Il y a d'autres disquaires aussi, il y a plus de 250 disquaires en France. Mais donc c'est six disquaires qui sont réunis, qui vont présenter en tout cas tous les albums, ces 200 albums. Donc ça va être un peu la course selon les disquaires. Mais c'est un moment, c'est un moment important. Et puis il y a cette soirée où cette soirée qui était aussi, l'avant-première, avant de vivre vraiment les festivités de demain. L'équipe du métronome avec Nathalie du Disque RD, Fabien Lhérisson m'ont confié la réalisation artistique. Donc tout de suite, j'ai pensé à Jean Daniel, qui est un ami, mais dans son parcours, on se connaît depuis longtemps, depuis l'époque des transmusicales, les années 85-86. Mais en dehors de ça aussi, grand journaliste, et puis surtout dans l'actualité, parce que comme vous le disiez, il y a trois bouquins deux bouquins qui sont sortis, Passeur en 21 et les années New Wave fin d'année 22. Et on parlera du troisième qui va arriver. Dans l'entretien qui va suivre. Voilà. Et donc, on a construit, puis ce soir, dans la grande salle, il y a une grande soirée avec les disquaires qui vont mixer. Et qui vont mixer mixé aussi avec Jean Daniel. Et puis deux groupes indépendants, importants pour moi. Il y a les Vulves Assassines. Alors, le hasard fait qu'avec les manifestations, on entend dans toutes les manifestations leur titre La Retraite. Mais en dehors de ça, c'est un, groupe, voilà, c'est un groupe que j'ai découvert moi quand ils avaient sorti Godzilla 3000, qui était introuvable, mais ils ont sorti un nouvel album, Das Kapital. Ça affiche déjà l'ambiance du groupe. Donc c'est un trio féminin de Rambouillet et qui vont venir pour la première fois ici à Toulouse ce soir, suivi de Gwendoline, qui est un groupe de Rennes. Qui est du Schlagwave, donc du chanté-parlé. Donc les deux sont de cette génération post-punk des années confinement, je dirais, comme en Angleterre, on en parlait avec Jean Daniel, mais que ce soit les villes comme Bristol, Brighton, etc., a aussi revécu, et Londres a revécu un renouveau du post-punk depuis 2-3 ans, et bien en France aussi. Donc voilà, je trouvais ça bien de donner ce clin d'œil à deux groupes français. En parlant de post-punk, vous nous aviez proposé ici, il y a 2 ans, je crois que c'était le dernier concert que vous avez organisé au Métronome, Yard Act, qui faisait aussi partie de cette vague-là. Juste avant de parler avec Jean-Daniel Beauvallet, Hervé Bordier, JD, mais je m'y ferai. D'ici la fin de l'émission, j'aurai compris le truc. Deux, trois pistes pour des pièces à ne pas rater demain chez les disquaires. Oh, alors là, c'est difficile, c'est le goût subjectif de. Eh bien oui, mais c'est aussi pour ça que je vous le demande. Moi, personnellement, c'est The Slits, qui est une réédition 79. D'un groupe que voilà, de, aussi un trio féminin qui est produit par Denis Bovel. Voilà, c'est une réédition de beaucoup de 45 tours. Moi, il me reste encore 2 45 tours. Mais là, donc, il y a un album spécial. Donc ça, c'est vraiment un après, je crois, il y a plein de choses à trouver. Moi, c'est celui-ci, en tout cas, que je vais acheter. On ira vérifier demain dans les bacs à disques. J.D. Beauvallet, on disait que ce disque RD, c'est un peu la fête aussi du vinyle. C'est quelque chose qui reste important pour vous, le vinyle, ou finalement, qu'importe le support, pourvu qu'il y ait de la musique ? C'est important, oui, l'objet est fondamental, même si j'en achète énormément, qui reste sous cellophane. J'aime avoir les objets, pas forcément les écouter, en fait. Ce que j'aime, c'est découvrir des nouveaux sons. Et ça, ça passe par les bacs de disquaires de 45 tours, les bacs chez Rough Trade. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais un rival chez Rough Trade, c'est Elton John. Oui, j'ai mis une photo qui traînait sur le net cette semaine. Qui vient une fois par semaine chez Rough Trade avec un garde du corps qui, en fait, lui sert à porter les sacs de billets qu'il achète. Donc, apparemment, il y en a beaucoup. Il en achète beaucoup. Mais qu'importe le support, moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir toujours des nouveaux sons. Donc, ça peut se passer sur Bandcamp, ça s'est passé pendant des années sur MySpace, ça se passe dans les bacs de disquaires. Je pense que un chiffre qu'on a oublié de dire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de disquaires en Angleterre qu'en 2023. C'est des disquaires assez particuliers parce qu'il y en a un, par exemple, dans le quartier de Peckham, qui est spécialisé dans le krautrock allemand des années 70 en vinyle et qui fait en même temps restaurant mexicain. Voilà, il y en a beaucoup qui font barbeur et disquaire ou magasin d'alimentation générale et disquaire. Ça prouve à quel point c'est rentré dans les mœurs. C'est un produit qui touche toutes les générations. Parce qu'on y croise aussi bien des grognards comme moi que mon fils. À lire un des deux livres dont je parlais en début de programme, Passeur, on a l'impression que la musique a toujours été là chez vous. Que vous êtes né avec et elle vous sert d'oxygène. Elle a commencé avant même que je m'en rende compte, en fait, parce qu'il y avait toujours de la musique à la maison, du jazz que j'ai rejeté, que je rejette encore. Oui, la musique à papa, ça c'est connu. Ouais. Mais je garde quand même des centaines de disques de jazz en me disant qu'un jour, quand même, il y a des Miles Davis, des John Coltrane que j'écoute, mais je l'écoute sans plaisir. Donc, la vraie révélation, le moment où je me dis que la musique, c'est vraiment mon truc, c'est vraiment ma famille, c'est vraiment le truc dans lequel je vais m'investir, c'est la découverte de Bowie, du Velvet Underground. Et j'ai 12 ans, donc je suis très très jeune, grâce à un voisin. J'habitais à l'époque en pleine forêt, j'ai pas de voisin, j'ai pas d'amis, et il y a un seul voisin, et il se trouve qu'il a des disques formidables. Donc c'est la logique de le suivre sur ce terrain. Et si vous voulez, on va écouter un premier morceau et on y revient juste après. sake and strange divine. Extrait donc d'Aladdin Sane. Vous en parliez il y a deux secondes, un des disques qui vous a fait rentrer dans la musique. Vous dites que dans ce livre Passeur, que vous n'avez pas le souvenir du premier album que vous vous êtes acheté, peut-être une compilation d'Ennio Morricone, mais encore vous n'en êtes pas sûr. Par contre, vous vous souvenez qu'en achetant cet album-là, vous avez eu vraiment l'impression que c'était un moment important pour vous. Oui, parce que pour un petit garçon qui vit en province, qui vit sans amis, avec très très peu d'amis, la découverte de Bowie, ça autorisait tout en fait. Ça autorisait d'être différent, ça justifiait le fait qu'on ne soit pas comme les autres, qu'on ait des envies un peu qui paraissent bizarres. Et Bowie légitimait en fait énormément de choses. Et j'ai interviewé dans ma vie des dizaines de musiciens qui m'ont dit qu'à un moment précis de leur changement radical de style de vie, c'est le passage de Bowie à Top of the Pops sur la télé britannique en 72. Exactement. Et là, ils se disent, voilà, il se passe un truc. Et le lendemain matin, à l'école, les garçons avaient troqué leur veste en jean contre des espèces de vestes en paillettes. Et c'était l'axe de la Terre avait changé. Vous dites et vous écrivez dans Passeur une jolie formule pour raconter cet épisode-là, donc du passage de Bowie dans cette émission phare de la télé britannique des années 70, Top of the Pops, que d'un coup, même si la télé était déjà en couleur, la couleur arrivait à la télé britannique. Oui, parce que l'Angleterre vivait... Alors, il y a eu les Swinging Sixties qui ont déjà un peu coloré. Mais l'Angleterre était encore un peu toujours sur la continuité de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des rationnements très très tard. On a l'impression que c'était un pays en noir et blanc pendant très très longtemps en fait. Et que quand arrive le glam rock et notamment Bowie ou Roxy Music, ça illumine d'un seul coup et une génération entière se dit « je ne serai pas comme mes parents ». Bowie, c'est quelqu'un que vous avez rencontré? Oui. Et alors? Il était très sympa. Ouais. Vous dites que vous avez un mal fou à interviewer, enfin, un peu la trouille, le trac devant des gens que vous avez pu vénérer adolescent. Ça a été le cas pour Bowie? Mais en fait, j'ai le trac systématiquement quand j'interviewe un groupe, quel qu'il soit, même un groupe qui a sorti une chanson sur My Camp, Bandcamp, je suis intimidé parce qu'il fait quelque chose que je ne sais pas faire. Et ça, c'est un truc assez fascinant pour moi de réussir à faire de la musique. Donc Bowie, oui, sauf que je suis prêt pour Bowie. Ça fait 30 ans que je la prépare, cette interview, quand je le rencontre finalement. Et donc, elle se passe plutôt bien. Ça se passe très, très bien. Surtout, ce qui est formidable, c'est que j'avais préparé des questions qui rebondissaient sur d'autres questions qui rebondissaient. Et que, en fait, à chaque fois, je réussissais à ouvrir la porte, jusqu'à ce qu'il se livre sur des trucs sur lesquels il se livrait très, très peu normalement, sur sa jeunesse, notamment son enfance. Et c'est vrai que dans toujours ce livre dont on va beaucoup parler ce soir, Passeur, vous avez tout un chapitre où vous expliquez un peu comment vous pouvez concevoir l'interview, l'entretien avec un artiste qui, sous vos mots, devient un art. C'est vrai que c'est construit quand même de manière très carrée, avec une suite qui est très logique, avec, vous parliez d'ouverture de porte, des questions où vous espérez quand même que la réponse pourrait aller dans un sens pour pouvoir rebondir. C'est quand même assez casse-gueule, cette façon de construire un interview, mais en même temps très carré. Oui, c'est très casse-gueule parce qu'il y a des fois où ça marche pas du tout. Évidemment. Et notamment, je me souviens d'une interview d'Eminem catastrophique où dès la première question, il n'a pas répondu ce que j'espérais. Et donc, tout le truc s'est effondré. Et à la fin, il se foutait de ma gueule carrément. Il était avec tous ses copains de D12 et il me fanait, quoi. Et vraiment, je l'avais mérité. Donc maintenant, je prépare toujours un plan B. Il y a la question A et la question B qui mènent sur... Et après, il y a B prime. Oui. Et il y a course des primes, des fois. Quelquefois, quand ça marche pas. On va peut-être écouter un deuxième morceau d'une liste que je vous ai demandé de m'envoyer pour servir un peu de fil conducteur à cette discussion. Et dans cette liste-là, on retrouve le morceau qui suit. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Et toujours en direct de la Music Box du Métronome pour le début de cette soirée organisée au Métronome pour fêter l'arrivée du Disque RD 2023. Nous sommes avec JD Beauvallet. JD Beauvallet, on vient d'écouter le Velvet Underground. Vous en disiez deux mots tout à l'heure et vous dites aussi dans votre livre Passeur que à cette époque-là, la musique que vous écoutiez, donc c'était le Velvet, il y avait aussi Iggy Pop, Kraftwerk, Eno, Roxy Music, Bowie, foutez la trouille à vos copains. Et en plus d'avoir cette fâcheuse réputation d'habiter dans un asile de fous, puisque votre père dirigeait un hôpital psychiatrique du côté de Tours, en plus la musique que vous écoutiez, vous mettez complètement à l'écart de cette bande de copains, une enfance qui semble-t-il, a été assez dure. C'était pas des copains. Ah, c'était pas des copains. Et oui, elle était dure, mais je connaissais que celle-ci, en fait. Donc, je n'avais pas l'impression qu'elle était dure. Et puis, ça m'a habitué à vivre dans ma tête. Et j'en suis vraiment jamais vraiment sorti de ça. Je vivais bien avant le Walkman, j'écoutais des chansons dans ma tête en permanence. Et celle du Velvet en faisait vraiment partie. Ça a vraiment explosé mon univers, le Velvet, quand j'ai découvert. Notamment quand je me suis penché sur les paroles, je me suis dit, héroïne, ça ne peut pas être une chanson sur l'héroïne quand même. On n'a pas le droit d'écrire des chansons sur l'héroïne. Et je me suis rendu compte que si, ce n'était pas sur une héroïne de cinéma. Et donc, du coup, le Velvet, c'était le premier groupe à me prendre pour un adulte, à ne pas me prendre pour un gamin comme ces gros couillons de Beatles. On peut commencer comme ça, si vous voulez, oui. Et qui ont joué un peu les nigauds très longtemps, très souvent. Alors que Lou Reed, pour moi, c'est Mallarmé, c'est Baudelaire, c'est un immense poète. On va peut-être reconnaître aux Beatles le fait d'avoir aussi fait quelques expérimentations sonores pas inintéressantes. Oui, deux, trois trucs pas mal. Ah, ben quand même. On parlera tout à l'heure de votre activité de DJ. Vous l'avez été en Angleterre. Vous ferez le DJ ce soir au Métronome. Donc, ça veut dire que les Beatles sont interdits de vos listes. ils sont même complètement proscrits. Ouais. Ils sont sur aucun de mes lecteurs MP3. Mais non, mais on n'a pas besoin d'écouter les Beatles. On les entend tellement partout, tout le temps, en allant chez Monoprix, en allant où qu'on aille, on écoute les Beatles. Et chez tous leurs suiveurs, donc ça ne m'intéresse pas des masses. Pour continuer un peu avec votre adolescence... On est obligé ? Un tout petit peu quand même. Parce que vous l'avez écrit, après tout. Je n'invente rien, je n'ai fait que le lire. Dans Passeur, vous racontez des choses qu'on n'imagine pas venant de vous. Un amour de la pêche, par exemple. Alors, ce matin, on est venu donc de Bayonne, ouais, en autobus. En autobus, parce que vous n'avez pas eu de peau, le train ne marchait pas. Déjà que la liaison Bayonne-Toulouse est réputée pour être lente, en bus, ça a dû être l'enfer. Non, parce qu'on traverse pas mal de rivières. Ah ouais, ouais. Et qu'à chaque fois, je me disais, oh là là, il y a des coins de pêche extraordinaires. C'est vrai qu'on passe devant tous les gaves. Donc là, il y a quelques truites, ouais. Oui. J'ai toujours aimé la pêche. Bah, pour ce côté un peu solitaire, c'est une des rares activités que je peux faire sans réfléchir à quoi que ce soit. Mmh. C'est un moment où je débranche le cerveau et je deviens vraiment fonctionnel, la pêche. Mmh. Et tant qu'on en est là, vous racontez que vous avez été un adolescent assez solitaire. Et moi, il y a quelque chose qui m'a assez frappé dans une fin de chapitre où vous dites comme pas mal de jeunes que vous fréquentiez, vous auriez voulu avoir une carabine pour aller un peu à la chasse. Et il y a cette phrase que j'ai notée, parce que quand même, elle m'a un peu interloqué. Vos parents ont refusé et vous les en remerciez en disant « J'étais tellement énervé par tout et par tous que je m'en serais fatalement servi un jour. » Vous étiez aussi énervé, adolescent ? Disons que j'étais sous calmant pendant quelques années. Oui, oui, j'étais... En fait, tout me m'ulcérait, tout m'exaspérait. J'avais aucune patience. Et surtout vis-à-vis du système scolaire avec qui ça s'est... Vraiment, on ne s'est pas bien entendu avec le système scolaire. Et ouais, j'étais limite asocial. Peut-être avant de continuer à écouter un peu de musique, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, puisqu'on a prévu un micro, si des gens veulent poser des questions à J.D. Beauvallet, il y a un micro qui se trimballe, sinon on va continuer à la suite et vous avez 5 minutes pour réfléchir à quelque chose sur lequel il pourrait répondre. On va passer au morceau suivant, donc toujours tiré de cette liste que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer dans la semaine. Prochain morceau. J.D. Beauvallet, je suis sûr que derrière leur poste, ou peut-être dans cette salle, dans la music box du métronome, il y a certains auditeurs qui sont en train de rigoler. Parce que votre nom a quand même été attaché pendant très longtemps à cette espèce de passion que vous aviez pour les Smiths, qu'on vient d'écouter. Et comme vous disiez hors antenne, un petit groupe à qui on peut promettre un bel avenir. Là aussi, dans votre bouquin, vous dites que c'est quand même eux qui ont un peu chamboulé votre vie. Vous les découvrez au comptoir d'un magasin de disques à Paris, le New Rose, qui va devenir plus tard un label de disques plutôt réputé. Et puis, vous découvrez ce 45 tours, vous écoutez cette musique, et puis vous décidez de faire bagage et de partir illico de l'autre côté de la Manche. C'est vraiment comme ça que ça se passe ? C'est aussi caricatural que ça, effectivement. Je décide, sur la foi de quelques disques qui venaient de Manchester, de... Eh oui, avec le survêtement de Manchester United. Je décide de partir à Manchester parce que je me dis que c'est là où ça se passe. La plupart des disques que j'achète, les Buzzcocks, The Fall, Blue Orchids, New Order, Joy Division, tous ces groupes-là, Chameleons, tous ces 45 tours que j'achète viennent de la région de Manchester ou de Manchester même. Donc je me suis et sortent sur le label Factory. Mmh. Or Factory ouvre un club qui s'appelle l'Hacienda, et chaque semaine dans le NMI que je lis religieusement, il y a une petite du journal anglais, il y a une petite annonce des groupes qui vont jouer à l'Hacienda, et c'est exactement tous les groupes que j'aime qui jouent chaque semaine. Donc je me dis j'ai pas le choix, faut que je parte, et je suis parti de nuit sans mes parents étaient totalement contre, et je suis parti avec une grosse valise et puis c'est le saut dans le vide. Oui, et puis j'ai eu la chance de voir les Smiths très très tôt, très très vite, dans des petits cafés, et là vraiment ça a bouleversé ma vie parce que c'était le groupe que j'attendais, le groupe à la fois moderne mais qui portait l'héritage de tout ce que j'avais aimé, le Velvet, Jonathan Richman, etc. En quoi était-il moderne ? Sur le son, sur la dynamique, sur les thèmes. Morrissey était un personnage à l'époque fascinant. Il est devenu beaucoup moins fascinant par la suite. Oui, ces derniers temps, il a même plutôt mal viré. Ouais. Mais les voix sur scène, c'était vraiment une révélation. Et surtout, on se sentait bien. On se sentait accueilli par une communauté dans laquelle on était le bienvenu. Et ça, c'était un truc que j'avais jamais vraiment encore expérimenté. L'Hacienda, vous nous racontez un peu l'ambiance qui alors l'Hacienda, il y a deux haciendas pour moi. Il y a l'Hacienda que j'ai connu au début des années 80, qui est un espèce de immense hangar toujours vide où le chauffage ne marchait jamais, où il y avait des films de guerre sur des écrans géants avec des scènes de torture, et au milieu jouaient des groupes qui n'intéressaient personne. Donc j'ai vu plusieurs fois des concerts à l'Hacienda devant 20 personnes. Et ensuite, par contre, arrive l'Acid House, et l'Acid House, l'arrivée de l'Acid House a été vraiment une poussée de fièvre qui est arrivée par la porte, par les dealers, et qui a pénétré tout le club. Et c'est devenu le plus grand club de dance des années 80-90 en Angleterre. Donc il y a eu deux phases. Et la première phase qui était l'endroit glacial, et la deuxième phase qui était l'endroit le plus torride du monde. Avec cette explosion, il y a un micro qui vient de s'écraser. Avec cette explosion musicale en Angleterre, dans l'Acid House que vous vivez en direct, puisque dans cette première période anglaise, vous restez combien de temps en Angleterre ? En fait, grosso modo, j'y ai passé la plupart des 40 dernières années. Voilà, avec un retour un peu en France, mais un retour en Angleterre vers... Oui, très vite. Vers 96. Oui, 80... Dans ces eaux-là. Oui, quelque chose comme ça. Si j'arrive à le regarder, j'ai pris des notes. Mais l'Acid House, moment important dans la musique anglaise. Oui, parce que c'est le moment où toute une génération de jeunes blancs-becs qui jouaient du rock indépendant, qui commençaient à tourner un petit peu en rond, découvrent des beats, des façons de construire la musique de manière complètement différente. Et ça donne Happy Monday, ça donne Stone Roses, ça donne toute cette scène-là, Andy Weatherhall, des DJ comme ça. Et ça part vraiment de l'Hacienda. Palmol Scream, enfin toute cette génération-là, elle est née grâce au DJ de l'Hacienda. Et de votre poste de vigie, de tête de pomme d'un journal français dans Les Inrecuptibles, installé en Angleterre, c'était quoi le but du jeu pour vous en étant en Angleterre et en vous adressant à un public français ? C'était de leur faire vivre en direct cette explosion que vous étiez en train de vivre ? Il y avait deux choses. Il y avait la volonté de partager effectivement tout ce que j'allais découvrir, parce que j'avais déjà des réseaux très importants en Angleterre de DJ, de producteurs, de studios qui m'informaient de ce qui se passait. Et ensuite de m'éloigner de Paris où j'avais peur de devenir cynique et blasé, comme le sont quasiment tous les journalistes de musique parisien. Tant qu'on en est là, c'est un mot que vous ne supportez pas, rock critique, justement parce qu'il est pour vous synonyme de cynisme. Et... Bah, il est synonyme de caricature surtout. Moi, je fais du journalisme, je m'intéresse aux gens, j'essaye de savoir pourquoi ils font de la musique, comment ils ont fait de la musique, qu'est-ce qui les a poussés, quel est ce déclic ou cette fracture qui fait que de fan, on devient musicien. Et voilà, je le fais avec rigueur. J'ai jamais raconté comment l'avion dans lequel j'étais s'est posé sur l'aéroport de Seattle, ce genre de dânerie que font les rock critiques. Vous voulez dire que le gonzo journalisme ne vous intéresse pas ? Ah non, je trouve ça illisible, je trouve ça même presque comique. Pour continuer un peu dans cette scène anglaise, vous, et puis peut-être l'Angleterre, vous avez vécu donc une quarantaine d'années en Angleterre. C'est quoi qui vous fascine dans ce pays au point de décider de vous y installer aussi longtemps ? C'est déjà mon épouse. Oui, mais elle aurait pu partir avec vous ailleurs. Elle est partie ailleurs, elle est partie au Pays Basque. c'est le fait que ce soit l'excitation permanente. Ça peut paraître très vain, très artificiel, très creux d'une certaine façon. Et en même temps, je trouve ça génial de se lever chaque matin et qu'il y ait 10 nouveaux groupes à suivre qui vont révolutionner, qui seront le groupe le plus important depuis les Beatles. Parce que c'est vrai que, on y revient aux Beatles, parce que c'est vrai que vu de France, au moment où vous écrivez ces articles dans les In Rock, donc du milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90, vu de France, on a cette impression d'une Angleterre qui vit sous le thatchérisme de manière très difficile. On est toujours dans une période, vu de France, une période grise, avec des mouvements sociaux qui n'arrivent pas à exploser, mais qui sont quand même là, avec des pans entiers de l'industrie anglaise qui meurent. Le secteur des mines en particulier, avec cette grève des mineurs des années 80 qui a été assez terrible. Comment vous vivez ça, vous, de l'intérieur ? La grève des mineurs, je l'ai vécu de près parce que j'habitais à Manchester et Liverpool. Donc j'allais à tous les concerts de soutien. Je donnais de l'argent quand j'en avais aux femmes de mineurs qui étaient dans la rue en train de faire la quête. D'un autre côté, d'une certaine façon, Thatcher a été une muse incroyable pour cette scène anglaise. Malgré elle, parce qu'elle détestait tellement la jeunesse qu'elle a dit ils vont la fermer si je leur donne des allocations. Donc quand on était étudiant, on touchait à l'époque, ça paraît incroyable. Maintenant, il faut payer pour aller à l'université en Angleterre, mais on touchait des bourses pour aller étudier. Et la plupart des gens n'allaient jamais en cours, mais dépensaient leurs bourses en instruments de musique et en studio. Donc ça a créé... Je pense que c'était fondamental d'avoir quelque chose d'aussi... un ennemi aussi visible... aussi tangible que Thatcher pour se révolter. Donc elle a encouragé ça. Et ça, c'était la branche un peu sociale de le punk, le post-punk. Enfin, le post-punk, parce que Thatcher, contrairement à ce qu'on dit en France, n'était pas au pouvoir pendant le punk. Hein. Elle est arrivée en 79. Mais des groupes comme Joy Division se sont construits un peu contre elle, avec ce côté très, très social, ou The Fall, très rock social. Et à côté de ça, il y en a qui ont décidé de s'évader complètement du marasme, de s'éloigner complètement du pays dans lequel ils vivaient. C'était les néo-romantiques, des groupes comme Soft Cell, des groupes comme Duran Duran, comme Spandau Ballet, qui s'habillaient comme des princes et qui étaient des prolos, en fait. Et on va peut-être rebondir sur votre deuxième livre qui est sorti en décembre 22, consacré à la New Wave. Vous parliez des romantiques, donc tout ce courant de la New Wave du début des années 80, Spandau Ballet, des groupes comme ça. J'étais étonné que vous les mettiez dans le mouvement New Wave. Parce que c'est vrai que les frontières sont... Il n'y a pas d'argus officiel, donc j'ai pu mettre ce que je voulais. Ah ben oui, et puis ça, vous êtes libre pour le coup. Et d'ailleurs, j'ai oublié, il y a des noms mais que j'ai scandaleusement oubliés, mais bref, c'est une autre question. Vous en ferez numéro 2. Exactement. Ils ont participé à faire venir des gens à des nouveaux sons, en fait. Je pense que des gens qui sont venus à la musique par, mettons, Vienna de Ultravox, ont peut-être découvert les premiers disques d'Ultravox, ont découvert Brian Eno. Donc ça jouait par effet de bande. Donc chaque groupe a eu son importance. Par exemple, un groupe comme Duran Duran venait d'une scène un peu folk, dont est issu un groupe comme la Lagtime, Stéphane Duffy, des gens comme ça, qui sont des gens passionnants, qui écoutaient Nick Drake, en fait. Et ça paraît incroyable que Nick Drake et donner influencé Durand, un groupe oui. qui est devenu Durand Durand. On va peut-être écouter un autre morceau de cette liste, simplement pour revenir un tout petit peu aux Smiths. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être catalogué comme ça, idolâtre des Smiths, un peu comme Arnaud Vivian, par exemple, qui faisait partie du journal aussi Les In Rock, pouvait être repéré comme un idolâtre de Diabolo Gomme, un groupe de Toulouse dont il paraît tout le temps dans ses articles. Ceci, j'ai rien contre être idolâtre de Diabolo Gomme. Oui, vous avez bien raison. Pour revenir aux Smiths, non, ça ne m'a pas dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'est que la presse musicale ou autre française soit passée à ce point à côté d'un groupe aussi important, en les décrivant comme de la pop chouchotte, alors que c'était un vrai groupe de rock'n'roll sur scène. C'était sans doute le groupe live le plus excitant anglais depuis les Who ou les Rolling Stones. Avec ce côté que vous racontez dans Les Faiseurs d'une jeunesse qui est bridée pendant 5 jours et qui s'explose pendant le week-end du vendredi au dimanche matin, je suppose qu'il fallait quand même se reposer le dimanche après-midi pour réattaquer la semaine, et tel que vous le racontez dans les villes que vous avez fréquentées, donc surtout les villes du Nord-Ouest, c'est un phénomène assez important, ça. Oui, c'est un même nom, ça s'appelle les Weekenders. Et c'est des gens qui ne vivent que pour le week-end et qui le vivent très bien le week-end, et qui le vivent à fond. Il y a notamment un des attributs des Weekenders, c'est la danse de la culotte. Les filles descendent leur culotte jusqu'à la cheville et dansent dans la rue en mini-jupe. Voilà, ça fait partie des attributions des Weekenders. Ça peut être très drôle, ça peut être assez flippant. Oui, ça peut être un peu casse-gueule. Ça peut être aussi un peu violent des fois. Mais quand, en fait, moi, j'ai un avantage, c'est que je buvais peu et je me droguais pas. Donc j'ai tout vu et je peux raconter beaucoup de choses sur la Hacienda. Par exemple, un jour, j'ai parlé avec les Happy Mondays d'un week-end qu'on avait passé ensemble à Oslo, je crois. Et je leur dis, tu te souviens, Oslo, il me dit, j'ai jamais mis les pieds à Oslo. Donc, heureusement qu'il y en a qui ont de la mémoire. Oui, mais ça sert aussi à ça, les journalistes. Ça sert à raconter l'histoire. Ben, souvent, les artistes lisent leur biographie pour se souvenir de week-end perdu, comme ils disent. Très bien. On écoute un autre morceau. J.D. Beauvallet, en voilà encore un autre groupe qui vous a marqué, Joy Division. Joy Division, ça c'est Joe Dassin ou Joy voilà. Division. C'est une variante, c'est son cousin. Joy Division, et puis j'ai un anglais assez approximatif. Vous ne me connaissez pas assez pour vous en rendre compte, mais peut-être déjà vous en êtes rendu compte, ce qui est encore plus lamentable. Joy Division, donc un groupe aussi très important pour vous, dont vous avez largement raconté les histoires dans Les In Rock. Oui, c'est un groupe, en fait, quand il arrive, je me dis, enfin, quelqu'un synthétise tout ce que j'ai toujours aimé et que je pensais incompatible. Par exemple, Kraftwerk, les Stooges, Iggy Pop, Bowie, tout ça se retrouve dans le même groupe avec un, en plus un avantage, c'est l'urgence, la tension qui vient du punk rock. Alors que le punk rock, je suis passé à côté parce que ça ne m'intéressait pas des masses. Je trouvais que c'était du rockabilly joué très vite et que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Alors que Joy Division, il y avait tout, il y avait... Et c'était avant la mort d'Ian Curtis, donc on ne peut même pas me reprocher un romantisme un peu morbide. C'était un truc qui venait vraiment nulle part sur le son. On savait pas. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai parlé à Hervé, c'est grâce à Joy Division. Parce qu'il il avait fait venir au Transmusical les vidéos de Joy Division live. Il les avait fait diffuser au Transmusical de Rennes. Et je l'avais appelé pour lui dire oh, comment tu as réussi à avoir cette vidéo. Et il m'avait donné le numéro de Tony Wilson. Et j'avais appelé Tony Wilson au flanc et voilà, on s'est connus grâce à ça. Et Joy Division, deux, trois mots de plus, il y avait Ian Curtis qui est quand même un personnage assez incroyable sur scène. Ça aussi, ça faisait partie de la magie de ce groupe. Et oui, parce qu'on n'avait jamais vu quelqu'un, et on a su que plus tard qu'il était épileptique finalement, que ça participait à sa façon de danser. Mais ben, là, encore une fois, Hervé a bien connu Philippe Pascal. J'allais le dire, Philippe Pascal avait un peu cette gestuelle sur scène. Oui, si le micro s'est bien remis de la chute. Mais c'était, je crois, désolé pour tout à l'heure. Après, Philippe était pas, il ne le disait pas ouvertement qu'il écoutait beaucoup Joy Division. Il voulait se garder son jardin secret comme ça. Mais c'est un groupe qui a marqué Rennes, en tout cas Philippe, mais aussi beaucoup de gens. Quoi. Et qui a marqué la scène anglaise. C'est vrai qu'on a l'impression qu'après Joy Division, le mouvement New Wave, puisque ça fait partie de ces groupes dont vous racontez l'histoire, et abondamment dans New Wave, les années New Wave qui est sorti à la fin de l'année dernière, on a l'impression qu'après Joy Division, le mouvement New Wave a pris une marche de plus. Il y a un test qui ne trompe pas, c'est de regarder le nombre de reprises de Joy Division par d'autres artistes. La variété des artistes qui ont repris Joy Division, qui ont été marqués en profondeur par cette musique, c'est sidérant. Ça va de Grace Jones à LCD Sound System, par exemple. Enfin, c'est quand même le grand écart. Et il n'y a pas un mois sans que je découvre une jeune artiste dont je me dise « Ah oui, tiens, il ou elle a écouté telle chanson. » Des fois, c'est juste une chanson qui a servi de déclic. Mais le son est tellement fascinant, l'ambiance est tellement fascinante. En plus, ça ne vieillit pas du tout. Je trouve que, contrairement à beaucoup de productions très marquées de leur époque, comme par exemple certains disques de Phil Spector, qui ont mal vieilli, bizarrement, les productions de Martine Annette ont très très bien vieilli parce qu'elles ressemblaient à rien du tout en fait. Et elles continuent à ressembler à rien, c'est peut-être pour ça qu'elles sont intemporelles. Oui, mais enfin, quand on écoute, et Dieu sait si j'aime ça, écouter très très fort au casque Joy Division, on entend des bruits de casseroles justement. Faites gaffe, il y a peut-être la préfecture de l'Hérault qui va empêcher ça. Des bruits de serrure, des bruits d'ascenseurs, il y a plein de parasites ou d'erreurs et ils ont tout gardé. C'est ça aussi qui vous plaît dans ces époques-là. Dans cette époque-là, vous le disiez, le punk, vous l'avez un peu raté. Vous n'y êtes pas trop intéressé, alors que cette période-là, vous y êtes plongé en plein. Cette création d'une musique qui était en train d'inventer des choses, qui récupérait des éléments de la musique électronique, les premiers éléments de la musique électronique fin des années 70, Klaus Schulze, Kraftwerk, des groupes comme ça, mais aussi des éléments de la culture club anglaise qui était en train d'exploser. C'est ça que vous aimez dans la New Wave, cette espèce de syncrétisme. C'est le fait que chacun pouvait créer son mouvement. Chaque groupe créait son propre mouvement. Il y avait des nouveaux sons, des nouveaux hybrides qui apparaissaient chaque mois. Je pense qu'il fallait faire table rase du passé avec le punk. Ça a été fondamental. Ensuite, on a reconstruit. Et on a reconstruit avec des bouts d'os, avec n'importe quoi. C'était de l'art brut pendant très très longtemps, le post-punk et la new wave. Et chaque semaine, il y avait un nouveau mouvement. Chaque semaine, il y avait un nouveau son, une nouvelle ville qui apparaissait sur la carte avec 5-6 groupes géniaux. Et il y avait une liberté d'action absolument incroyable. Il n'y avait aucune limite. C'était une époque où vous ne saviez pas où donner de la tête. Je me souviens aussi des articles qu'on pouvait lire dans les Erocs à ce moment-là, mais où vous racontiez ce foisonnement, mais aussi cette explosion, quand vous disiez il y a des villes qui apparaissaient, cette explosion de groupes un peu partout en Angleterre. C'était un moment d'une intense activité pour le journaliste que vous étiez. Oui, ça l'était parce que j'étais au cœur du cyclone en Angleterre. Mais ça l'est encore. Mais alors, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème pour des gens comme moi qui ont que ça à faire, écouter de la musique. Mais il faut vraiment aller piocher à droite, à gauche. Il faut se lancer dans des jeux de piste. Il ne faut pas hésiter à se lancer dans des jeux de piste. Par exemple, récemment, j'ai écouté un groupe anglais dont j'ai oublié le nom, qui m'a fait découvrir un groupe qui s'appelle Regressive Left, la gauche régressive. Bon, c'est pas très sexy comme nom. Non. Ceci donc pourrait être présenté au PS. Oui, ça leur ferait plaisir. C'est peut-être, ça pourrait être leur rythme. Voilà, ouais. Il faut passer des nuits entières des fois pour arriver à Regressive Left. Au niveau des groupes, on a l'impression que vous étiez au milieu du cyclone. Quel rapport vous aviez avec tous ces groupes? On sent quand même une distance dans la façon dont vous avez pu les interroger, dont vous les racontez, mais vous étiez quand même très, très près d'eux. Alors, bizarrement, non, parce que je n'ai jamais cherché leur intimité, jamais envié leur vie, leur style de vie. Pour avoir tourné avec des groupes anglais en Angleterre, c'est un enfer pour eux. Ils mangent des sandwichs triangulaires pendant 6 mois. Oui, je vous confirme, ça c'est l'enfer. Ils font 40 interviews par jour, ils font 3 lives pour des radios par jour. Enfin, c'est un investissement et un sacrifice incroyable de jeune vie. Et donc, du coup, j'ai jamais voulu être ami avec eux parce que ça me donnait une liberté absolue. Le seul groupe avec qui j'étais un peu ami à une époque, parce qu'on les avait suivis depuis le début et puis qu'on leur avait rendu des services, c'est le groupe de Manchester qui s'appelait James. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non. Un groupe qui s'appelait James et qui avait sorti un album que j'avais détesté. Je l'avais écrit. Et il m'était tombé dessus à bras raccourcis et ça avait failli finir en pugilat. Donc j'évite d'avoir des amis dans des groupes. Non, les seuls amis que j'ai dans des groupes, c'est des gens comme Dao, comme Miosek, comme Philippe Catherine, comme Dominica. Mais c'est des gens sur lesquels j'écris peu finalement. Je le disais tout à l'heure, vous avez passé l'essentiel de votre vie en Angleterre. Vous êtes rentré récemment en France. Vous le disiez tout à l'heure, vous installez du côté du Pays Basque. Le Brexit a été une des raisons pour lesquelles vous êtes revenu en France. Disons que ça a un peu accéléré les choses parce que ça, je l'ai vraiment très très mal vécu. Je l'ai vécu comme un truc très très personnel. Je l'ai vraiment pris au premier degré comme une attaque personnelle. Et je le vis toujours très très mal parce que, grosso modo, une génération de personnes âgées, vieillissantes, interdit toute une jeunesse de pouvoir naviguer en Europe, de pouvoir étudier en Europe. Je trouve ça vraiment dégueulasse. On dit qu'au niveau de la scène anglaise, ça a aussi freiné énormément le développement de la musique anglaise, parce qu'avec des difficultés pour venir jouer dans le reste de l'Europe. Eh ben c'est vrai, hein. Je pense que Hervé voulait faire venir un groupe anglais ce soir. C'est devenu très très compliqué de faire venir jouer un groupe anglais, parce qu'il y a des frais de douane, ils doivent payer... Un truc tout con, mais par exemple, ils doivent payer en avance les taxes sur le merchandising qu'ils vont vendre. Donc, ils doivent dire qu'ils vont vendre 47 t-shirts à Toulouse. Comment un groupe peut savoir ça et avancer l'argent? Enfin, c'est quand même absurde. Donc, l'administration a vraiment... D'ailleurs, à tel point que les douaniers ont tendance à fermer les yeux parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas là pour empêcher des choses aussi dérisoires. La scène anglaise en ce moment, elle se développe comment? Elle va bien, merci. Elle va très bien. Non, il se passe des choses dans toutes les villes, dans tous les sens, avec toujours cette capacité d'inventer des hybrides, d'inventer des nouveaux sons. Moi, je suis passionné par tout ce qui vient du hip-hop anglais. Et là, c'est d'une richesse absolument incroyable. parce qu'il y a un jeune producteur qui a 18 ans qui a mal réglé sa table de mixage et ça a donné un son génial. Donc il y a beaucoup de petits hasards comme ça qui font que les choses avancent. Et un signe qui ne trompe pas, c'est que tous les gros producteurs américains de hip-hop, ils ont des espions en Angleterre, en tout cas des informateurs, qui leur disent faut que tu écoutes ça. Et ils ont encore, les Anglais ont encore trouvé un truc incroyable, sans doute par erreur. Vous avez vécu à Liverpool, à Manchester, mais aussi longtemps à Brighton. Vous nous dites deux mots de cette ville-là et de cette scène-là. De Brighton ? Oui. Brighton, c'est une ville de débauche par nature, parce que c'est une ville où les Londoniens viennent s'encanailler le week-end. À la plage ? À la plage, donc une ville où il y a des clubs. C'est le seul club que j'ai connu de ma vie où il pleuvait à l'intérieur tellement les gens suaient. Le club où jouait Fatboy Slim, le Big Big Boutique. C'était n'importe quoi. C'était très bas de plafond, donc les Anglais qui ont tendance à être un peu grands, ils pogotaient et ils se tapaient la tête contre le plafond. Tout en suant, c'était une vraie piscine à la fin de la soirée, le club. Donc c'était vraiment la débauche complète et qu'est-ce qu'on s'est marré. On a eu ça un peu, mais dans une moindre mesure, avec la salle éphémère qui était aussi bas de plafond et qui ruisselait assez rapidement au bout d'une heure de concert. On va écouter un nouveau morceau de votre liste, JD Beauvallet. On en parle juste après. Et puis, on laissera peut-être la parole à certaines personnes dans la salle s'ils veulent poser des questions. Prochain morceau. From the slums of Shaolin, Wu-Tang Clan strikes again. The RZA, the Jizza, old dirty bastard, Inspector Deck, Raekwon the chef, you guard, Ghostface Killer, and the Method. Hey. M-E-T-H-O-D, man, M-E-T-H-O-D, man, M-E-T-H-O-D, man, M-E-T-H-O-D, man. Hey, you, get off my ground. You don't know me and you don't know my style. Who be getting down when they come to a jam? Here I am. The Method Man, patty cake, hey, the Method Man. No need skip, beat, jip, or beat the pan. Peanut butter, cause I'm nut butter. In fact, I snap back like a rubber band. I be Sam, Sam I am, and I don't eat green eggs and ham. Down the hitcher, wham, yeah. You'll be like, that's the jam. Turn it up, now hear me get wild. I'm about to blow, light me up. Upside down, side, inside and outside. Hitting you from every angle, there's no doubt. Some of this and some of that. Hold up, what? I thought I saw a putty cat over there. But I think he meant to beware of the diggy dog. Right, yeah. Yippee, yippee, yeah, dog, yo. Like that sentence in your average flow. Coming like raw. Ooh, Archie Gaw. Tell me how you like it so far. Voilà, c'est le dernier morceau de votre liste qu'on écoutera ce soir. Wu-Tang Clan, groupe new-yorkais de rap, groupe américain pour le coup. Une musique qui vous a intéressé très tôt. Oui, et sur laquelle j'ai très peu écrit. Parce que j'avais l'impression d'être en imposture totale et de ne pas avoir le vocabulaire tout simplement pour en parler. Donc j'ai préféré ce qui a été idiot parce que j'avais vraiment une telle passion pour des gens comme le Wu-Tang notamment, que j'aurais dû me forcer, outrepasser mes réticences. En quoi le rap a-t-il apporté quelque chose de neuf dans la musique américaine et anglaise de cette époque de New Wave? Déjà parce que dans les clubs, on dansait aussi bien sur Soft Cell que sur Grandmaster Flash ou des choses comme ça. Et puis au niveau du son, après, j'ai l'impression que le rock, à une époque, a un peu baissé les bras dans les années 90, a décidé qu'il allait se nourrir que du passé et que le hip-hop, lui, a continué à chercher des pistes ailleurs. Et que le hip-hop a amené beaucoup plus de nouveautés. Moi, je suis fasciné par le son. C'est quelque chose que j'adore, le son. Comment on fait sonner une chanson, comment à partir du bruit d'une bille qui tombe sur une planche de métal, on arrive à faire une chanson de hip-hop incroyable, très sensuelle, alors que c'est fait avec un bout de fer. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine, la sensualité du hip-hop avec le minimalisme des moyens mis en œuvre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans la façon dont vous construisez vos entretiens avec les artistes que vous avez pu interroger. Il y a cette façon d'essayer de démonter ce qu'ils ont construit, essayer de voir comment les choses ont été assemblées, comment elles ont été vissées. Il y a ce côté roi du bricolage, mais qui démonte ses jouets pour voir ce qu'il y a à l'intérieur dans la façon dont vous racontez la musique et dont vous interrogez les musiciens qui l'ont fabriqué. C'est ce que je fais au quotidien, je démonte les choses. Ma femme s'en lamente. Je suppose qu'au quotidien, ça doit être assez dur à supporter. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher, quand j'achète quelque chose de neuf, de le démonter complètement pour voir comment ça marche. Et ça remarche après ? Des fois, il me reste trois vis. Ah, mais ouais, ça je comprends. Mais elles ne servent à rien. Donc, Oui, puisque vous les avez dans les mains. Non, mais c'est vrai que essayer d'approcher du mystère de la création, c'est quand même un moment incroyable, très privilégié. Faire raconter à Björk comment elle construit une chanson ou au Reza de Wu-Tang Clan, c'est génial parce que on se rend compte à quel point ils laissent le hasard pénétrer leur réflexion. C'est très très réfléchi, très intellectuel, et en même temps très enfantin et très très surtout toujours très sensuel. Et on sent toujours dans la façon dont vous les avez interviewés ou dans la façon dont vous le racontez dans vos deux livres là qu'il y a un amour du musicien, mais qu'il y a aussi une admiration terrible parce qu'il maîtrise des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser. Oui, ça pour le moins. Oui. Vous ne m'avez jamais vu jouer du ukulélé. Et je ne veux pas. Ben bien sûr, c'est pour ça que même un groupe qui a sorti qu'une seule chanson me fascinera forcément, parce qu'il sait faire un truc qui me paraît incroyable, qui me paraît énorme. Et dans ma discothèque, j'ai des centaines d'albums sur lesquels il y a une chanson qui m'intéresse. Mais cette chanson, je me battrai pour elle. On parle de groupes qui ont fait qu'une chanson ou qu'un album. Il y a une question que je me pose depuis des années. Je vous ai sous la main, vous allez y répondre et j'aurai la réponse définitive. Les Laz. Les Laz. L-A-S. Les Laz. De Liverpool. Comment il faut dire ? Les Laz. Les Laz. Donc ce groupe de Liverpool qui fait un album avec une chanson énorme. Si je me souviens bien, ce single était le cadeau pour le 5e anniversaire des In Rock qu'on allait chercher dans un magasin de disques. Je l'ai toujours dans ma collection de disques. Et ce que j'ai cru comprendre en lisant les In Rock à cette époque-là, c'est que le chanteur est devenu complètement fou après le succès de ce disque-là, que pour lui, ce disque-là avait toujours été très mal enregistré et qu'il a passé le reste de sa carrière à vouloir en refaire une seconde de prise. C'est vrai ou pas cette histoire ? C'est complètement vrai parce que déjà, il m'avait accueilli à Liverpool dans leur studio en me disant, surtout dis à tes... La première phrase qu'il m'avait dit, surtout dis à tes lecteurs que de ne pas acheter notre album, que c'est de la merde. Mais le second sera mieux. La promo, c'était mal barré. Et ensuite, il a passé sa vie effectivement à remettre ça sur l'ouvrage. Jusqu'à en devenir fou, parce que je les ai vus il y a quoi, une dizaine d'années, ou 7-8 ans à Rock en Seine, et c'est le concert le plus pathétique que j'ai vu de ma vie. Il était incapable même de s'exprimer, enfin, de chanter, de jouer, c'était horrible à voir. Comme quoi la musique peut rendre aussi fou. J.D. Beauvallet, on va peut-être en rester là, puisque bientôt il y a la suite des programmes de Campus qui vont arriver. Un mot sur le troisième bouquin qui va bientôt arriver de vous. Depuis que vous avez pris la retraite, vous n'arrêtez pas. Il y a eu un livre il y a 2 ans, un autre cette année avec la réédition du premier qui a suivi. Le troisième arrive le 28 mai, si j'ai bien compris. Ça va être une compilation d'un certain nombre de vos interviews qui va être publiée par cette jeune maison d'édition de Saint-Brieuc, Braquage. Oui, c'est exactement ça. On a choisi, dans les quelques centaines d'interviews que j'avais faites, une vingtaine qui nous paraissait vraiment intéressante et marrante pour des raisons diverses. Il y a des classiques comme celle de Bowie, et puis des beaucoup moins connus comme celle du chanteur de Dixie Midnight Runners, mais voilà, qui méritent toutes d'être relues parce que beaucoup de choses n'ont pas été numérisées. Là, je vois qu'il y en a qui ont des collections d'un rock assez solides. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des signatures qui vont suivre après. Mais tout le monde n'a pas cette chance d'avoir les vieux un rock. Donc, l'idée, c'était de redonner une deuxième vie à ces interviews. Les Inrock, un journal qui a été un journal prescripteur pendant quelques décennies, même si depuis ces dernières années, il l'est sans doute un peu moins avec cette période magnifique. J'avais dans la tête que c'était trimestriel, mais je me suis aperçu que c'était bimestriel. Ces longues interviews, je crois que le sous-titre de l'époque, c'était « Entretien et chronique », et ça n'allait pas plus loin. C'est un souvenir énorme pour vous, où vous avez aimé toutes les périodes du journal, même lorsque la couleur tuait la couleur tellement il y en avait trop. En fait, j'ai toujours eu ce privilège de faire ce que je voulais faire aux Inrock. Donc, même dans les périodes où je me reconnaissais peut-être moins dans le journal en tant qu'objet, je pouvais m'amuser à faire des interviews de 15 pages de Burt Bacharach ou de gens comme ça. Donc, je me suis toujours amusé. Je ne me suis jamais forcé. On ne m'a jamais imposé quoi que ce soit. Donc, j'ai été un enfant gâté. Avec cette façon de faire des très longues interviews, vous racontez que ça vous vient de l'écoute des radioscopies de Jacques Chancel que vous subissiez dans votre voiture. Pas subissiez, d'ailleurs. Non. Vous aimiez non, bien. J'adorais ça parce que ce que j'adorais, c'est qu'il y avait des longs silences à la radio. Et à la radio, par définition, il n'y a jamais de silence. Et là, Chancel ne relançait pas des fois les artistes ou les personnages qu'il avait face à lui. Et je trouvais ça incroyable qu'on utilise. J'ai l'impression que la radio s'était arrêtée ou que le moteur était en panne ou quelque chose. Et alors ? Après que le moteur était en panne et qu'il se passait quelque chose, on embraye sur quoi ? Ça oblige la personne à qui vous parlez de reprendre la parole. Et, ouais, et comme ça, on est sûr qu'il était en train d'écouter, c'est ça que vous voulez dire ? Non, qui va être beaucoup plus honnête parce qu'il est déstabilisé. Un tout petit peu, oui. Je ne dirai plus un mot. Ah, mais on a presque fini, mais encore un. Passeur, c'est le nom de votre livre, donc réédité il n'y a pas très longtemps en format de poche et réaugmenté, puisque vous avez écrit un peu plus que pour le précédent qui était sorti il y a 2 ans. D'ailleurs, j'ai quelques amis qui ont regretté de l'avoir acheté il y a 2 ans en se disant il va falloir encore que je me paye le suivant. C'est quoi un passeur ? C'est quoi, pardon ? C'est quoi un passeur ? Un passeur, c'est plein de choses. C'est quelqu'un qui, je me suis rendu compte que on avait une maison de campagne en Touraine, dans laquelle il y avait une cheminée qui a été condamnée. Et dans cette cheminée condamnée, on a découvert 2 petits tabourets avec des boîtes de conserve. Et en fait, c'était une maison de passeurs. C'est-à-dire qu'il faisait passer la Loire à des gens qui essayaient de quitter la France occupée pour aller en France libre. Donc c'est ça un passeur. C'est aussi, et puis dans mon modeste cas, c'est quelqu'un qui a la chance d'avoir accès à plein de musique et qui se dit vraiment, je vais pas être assez salaud pour la garder pour moi-même. Voilà, donc un passeur que l'on peut voir à l'œuvre dans ce livre sorti aux éditions Braquage, réédité il y a peu, c'était pendant les vacances de Noël. Le deuxième livre paru récemment, Les années New Wave, 78-83. Un troisième arrive donc avec cette compilation d'interviews que vous avez réalisées pour les Inrock et qui sortira le 28 mai prochain. J.D. Beauvallet, merci d'être passé dans cette émission ce soir. C'était un vrai plaisir. Et puis, on va attendre gentiment tout à l'heure de vous voir à l'œuvre, puisque après avoir vu J.D. Beauvallet dans cette music box du métronome, on verra J.D. The DJ en direct de la grande salle du métronome tout à l'heure, où vous mixerez du disco. Ça va être assez formidable. Et là, je vous promets aussi que le plafond risque de pleuvoir, quoique il est un peu haut, métronome. Merci en tout cas d'être passé. Ça a été un vrai plaisir. Et puis on va finir cette partie de l'émission. Je parlerai des concerts du soir, parce qu'il n'y a pas que celui du métronome à Toulouse ce soir. Il y en a encore une bonne quinzaine dans le reste de la ville. On va finir avec Fabien Lérisson, le nouveau directeur du métronome. Ça a été quoi pour vous de recevoir dans cette salle les premiers moments du Disque RD 2023. Alors, bonsoir. C'est vrai qu'on c'est un plaisir d'avoir pu travailler avec Hervé, d'ailleurs Hervé qui revenait dans la music box et au métronome, avec également Vincent sur cette programmation si singulière avec les Vulves Assassines et Gwendoline. D'ailleurs, Gwendoline, donc un groupe rennais, mon cher Hervé. Et voilà, donc ça va être un moment fort. On était ravis d'accueillir donc cette nouvelle édition du Disqueur Day. Et peut-être vous dire, alors en exclusivité, que si on se projette sur l'année prochaine, nous fêterons les 10 ans du métronome. Et déjà. Voilà, déjà. Et il se dit que nous sortirons peut-être un disque. Voilà, un disque un peu spécial. Pour le disque des 24. Exactement, et pour les 10 ans. Voilà, je vous donne cette exclusivité. Eh bien, écoutez, merci. Et puis, en attendant, on va profiter de cette édition 2023. Donc, ce soir, ça se passe au métronome. On va en parler dans 3 minutes également. Ça se passe surtout demain chez tous les disquaires toulousains à partir de 10h du matin, puisque les disquaires sont quand même des gens sérieux et prennent le temps de déjeuner et d'avaler un café crème avant de partir au boulot. Donc, demain, tous chez les disquaires pour voir un peu les objets qui seront édités spécialement pour cette édition, puisque c'est encore le cas cette année. Un morceau de Gwendoline tout de suite, vol de bière, et on parle des concerts de la soirée à Toulouse. D'être comme un chien à la SPA, mais je ne veux même plus avoir de maître. Au bout d'une laisse, c'est moi qui vais te la mettre. En sourire niais, venu de nulle part, un concert à 21h, je cherche 21 balles. Une connasse au bar, je me tire 22 balles. Une marée de cassos à contresens, je suis la fièvre de ce pays. Animaux avec des voix chargées d'hélium, on paiera pour visiter le zoo. Je pourrais me faire des chicots en or avec ta Rolex à 1000 euros, et sans trop faire d'efforts m'amuser à crucifier ta Merco. Tu porteras peut-être le nom d'une rue pour les enculés qui ont survécu, qui puissent se recueillir et se rappeler qu'il n'y a pas d'honneur à être friqué. Y a pas d'honneur. Vous avez une technique remarquable. Oh, je pourrais faire mieux, mais ça dépend des troncs. Voyez-vous, celui-ci, Son orifice est simple et large. Oui. Malheureusement, ils ne sont pas tous aussi faciles. Ah, hélas, j'utilise la suceuse à sous dans les meilleurs des cas. Mmh. Ou sinon, vous travaillez comment ? Au caramel mou. Oui, ici, on continue à travailler au caramel mou. On vient d'écouter Gwendoline, Vol de bière, Gwendoline, qui sera ce soir au métronome dans le cadre de ses débuts du Disquerdé toulousain. Gwendoline, Vol de bière, morceau que l'on peut retrouver sur album ou sur le net. Début du concert, 20h30. Donc, vous avez encore le temps de venir nous rejoindre ici, à moins que vous soyez ailleurs en ville, parce que, comme d'habitude, le vendredi soir, il y a encore une quinzaine de concerts un peu partout dans l'agglomération. Les concerts, ça commence au Taquin ce soir à 21h, ou pendant tout le week-end, ce sont les jours du sax, avec ce soir trois saxophonistes sur la scène du Taquin, Ferdinand Doumerc, Jérémy Lucchese et Serge Casero, qui seront accompagnés par le trio Tonton Salut à la batterie, Julien Dutu à la contrebasse et Thibaut Dufoy au clavier. À l'impro, rue Gambetta, à 20h30, le FIBA Quartet, une jeune formation de jazz toulousaine. On retrouvera d'autres Rennais à la Candela ce soir. Les Rennais de Mokhtar, un quartet entre jazz et musique du monde, à la Candela ce soir à 20h30. Du rock psyché au Ravelin avec Gataka et Jim Younger's Spirit à 20h30. Les Bertitas seront, elles, aux Ogresses à 20h30 également pour un set très musique du monde. Monsieur Tristan à 20h30 sera lui à la Comédie de Toulouse. Renaud Bistan et son spectacle Écho anxieux, hilarant mais aussi acide, Radio Bistan joue lui au Bijou à 21h30. Le DBK Project sera à la MJC du Pont des Demoiselles à partir de 20h30 pour une version grand format du spectacle pluridisciplinaire 480. Sur scène, une narratrice, quatre musiciens, 10 danseuses et la chorale de Lisae Supaero qui interpréteront ce conte post-apocalyptique à partir donc de 20h30. Pour ceux qui auront décidé de rester devant leur télé, je ne saurais leur conseiller de se brancher ce soir sur Arte à 21h pour voir le film de Léa Fener, la fille de François Fener qui longtemps dirigea l'Agit-Théâtre ici à Toulouse. Léa Fener a réalisé un film qui s'appelle Sage Femme, absolument recommandé, qui a été primé à la dernière Berlinade de Berlin ce soir sur Arte, et l'on peut le revoir également sur le replay d'Arte. Demain soir, au studio du Cerisier, le studio du Cerisier, 11 rue d'Escuentinard, métro Fontaine-Lestang, un triple plateau avec D'Angezo, le répertoire solo de chansons de la Toulousaine Zoé Baudouin, par ailleurs musicienne de bluegrass au sein de Jurassic Grass. On retrouvera aussi dans ce triple plateau les Bordelais de Venice Berry. Et puis, toujours dans ce triple plateau, le retour à Toulouse de Julien Gasque en groupe demain soir à partir de 19h, donc au studio de Cerisier, 11 rue d'Escouen-Tinard, métro Fontaine-Lestang. Enfin, donc, ce soir au Métronome, concert donné dans le cadre du Disquerdé. Vous êtes maintenant au courant, ça fait presque 1h15 que l'on parle de cet événement sur campus à partir de 20h avec les Rennais de Gwendoline que l'on vient d'écouter. Et puis, on pourra également assister à un concert punk and rap des Vulves Assassines que l'on va écouter dans quelques instants, suivi d'un DJ set assuré par des disquaires toulousains, mais aussi par le set de JD The DJ, soit Jean-Daniel Beauvallet himself sur scène. On parlait des Vulves Assassines qui ont eu la bonne idée de faire un morceau très dans l'air du temps, ça s'appelle Retraite. On a entendu ça dans tous les défilé ce dernier mois et demi, et on écoute ça tout de suite sur campus dans Caramel Mou, les Vulves Assassines Retraite, et on les retrouve aux alentours de 20h30 au Métronome. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour gagner, on se battra pour garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour gagner, on se battra pour garder. La retraite battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite, la retraite. Il passe des pros, me flatte, du jardinage et du bricolage, des mots croisés, et puis du sport, et aussi du souci en colère. Qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Les machines s'envoient en l'air dans l'église. Qu'elles parlent fort à table, nous mettent minables au drame. Et qu'elles repassent des diplômes, qu'elles nous fassent des tartes aux pommes, ou qu'elles plantent le soleil. Si elles ont un peu la flemme, on s'arrêtera pas là. On veut entendre les cris de joie dans les parcs, on était des gars libérés. Les cheveux gris au vent, courant un bois vers le levant. Qu'ils puissent chanter et faire des rondes et réfléchir au nouveau monde. La retraite, 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. Voilà, c'était donc les Vulpes Assassines. Vous avez juste le temps de prendre le métro et de venir nous retrouver ici au Métronome pour ce concert, les Vulpes Assassines et Gwendoline, dans le cadre du disque RD version 2023. Allez, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, John Little reprend le contrôle des machines et je suppose qu'il doit s'impatienter à l'autre bout de Toulouse sur le campus Paul Sabatier devant ses machines pour un incredible et génial Little by Little Wicked Show depuis dans notre studio campusien. Quand nous on se retrouve demain soir à 22h pour un nouveau numéro de la liste, et demain la liste est concoctée par Kiko Ruiz, et puis on se retrouve la semaine prochaine même heure même adresse avec les Guilty Pleasure comme invité du soir. D'ici là prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye. Caramel.